Chapitre 2e. Antonio était un de ces caractères bouillants que rien n'arrête. Une idée chez lui dominait toutes les autres, celle de l'indépendance. Il n'est pas de péril, pas de tourment, qu'il n'eût bravé pour arriver à la réaliser. De tous côtés, l'Espagne voyait sortir de son sein des hommes d'énergie qui avaient pour but de la délivrer du double joug que lui imposaient Marie-Christine et Don Carlos. C'était vers l'année 1834. La Constitution de 1813 avait rallié autour de son drapeau une foule de braves défenseurs. Des troupes de partisans se formaient dans les sierras de la péninsule. Antonio, du fond de la modeste chambre qu'il occupait à Valence, n'avait pu entendre, sans être enthousiasmé, ces milliers de voix qui demandaient à grands cris que leur rendit la patrie, la tranquillité, le bien-être. Sa tête s'était remplie de projets grandioses. Une exaltation fébrile avait occupé son esprit. Des rêves qui, chaque nuit, lui mettaient devant les yeux les plaies de son pays, étaient venus ajouter encore à cet enthousiasme. Il s'était tout d'un coup senti au cœur un désir violent de délivrer ses frères. Dès ce moment, les coups lui avaient paru absurdes et fastidieux. Les professeurs étaient pour lui devenus d'ennuyeux discoureurs. La vie d'écolier lui était insupportable. Cette antipathie, qu'il ne cherchait nullement à cacher, s'était bientôt communiquée à quelques-uns de ses condisciples de Valence. Antonio avait, sans beaucoup de peine, fait passer dans leurs âmes le feu qui dévorait la sienne. Et un jour, que leur discussion avait été plus entraînante, plus animée que de coutume, ils s'étaient séparés en se disant « À cette nuit, à la taverne de Gregorio. » Tous avaient été fidèles au rendez-vous. Nous avons vu ce qui en est résulté. Les étudiants, Antonio à leur tête, arrivèrent, après quelques jours de marche, dans le royaume de Murcie et s'établirent dans une des chaînes de montagnes qui sillonnent le pays. De là, ils se mirent à faire des excursions aux alentours. Des partisans se joignirent à eux. Une troupe nombreuse fut bientôt organisée. Antonio, d'une commune voix, en fut déclaré le chef. 6 mois s'étaient à peine écoulés que déjà les intrépides guerrieros étaient devenus formidables. Ils allaient partout, protégeant les villages contre les exactions des soldats de la reine, enlevant les convois et donnant la chasse aux brigands sans nombre qui, sous le nom de Cristinos ou de Carlistes, portaient la désolation dans les campagnes. Leur nombre augmentant de jour en jour, ils ne bornèrent plus leurs excursions à la province de Murcie et s'avancèrent jusque dans l'Andalousie où, d'ordinaire, ils demeuraient plusieurs jours. Sur les frontières des deux pays, dans une des vallées délicieuses que forme la Sierra Nevada, vivait au milieu de braves paysans une jeune fille du nom de Margarita. C'était une des plus jolies créatures que jamais produite la voluptueuse Andalousie. Quand elle sortait avec sa cape grise rabattue sur sa figure, chacun se plaisait à la suivre du regard. Et lorsqu'elle avait gravi le coteau et s'était perdue dans le lointain, vous eussiez vu disparaître une à une des fenêtres et des portes des casas, une foule de têtes curieuses qui s'y étaient montrées pour la voir. C'est qu'elle était bien belle, Margarita l'Andalouse. Et puis elle avait l'air si doux, si bon. Tous les petits-enfants du village l'appelaient petite sœur. Ils s'amusaient à effeuiller les fleurs pour en parsemer le chemin par où elle passait. Elle était pour eux la bonne fée, le génie puissant qui invente les douces illusions et en embaume l'avenir. Les jeunes garçons ne l'aimaient pas moins que les petits-enfants. Bien des voix déjà avaient chanté son nom dans les échos de la Sierra Nevada. Bien des yeux avait pleuré à chaudes larmes dans la vallée ou sous le toit des cabanes. Et pourtant, Margarita était toujours seule. Orpheline depuis 2 ans, elle vivait retirée dans sa casa, du produit d'un petit bien que lui avaient laissé ses parents. Elle ne voyait personne. De temps à autre, seulement les petits-enfants du village venaient jouer en face de sa fenêtre. Du reste, pas de fiancé qui lui donna le bras et la promena les jours de fête. Pas de danse, pas d'amour. En vain, 1000 regards lui avaient dit qu'on l'aimait. 1000 bouches qu'elle était belle. Elle n'avait jamais répondu que par un de ces sourires tristes qui passent aux lèvres, mais ne s'y arrêtent pas. De sorte que les jeunes garçons avaient pris le parti de ne plus l'aimer qu'en silence et que les jeunes filles se disaient avec étonnement « Mais qu'a donc Margarita ?» C'était en effet une chose bien étrange, qu'une jeune fille jolie et entourée d'adorateurs demeurât continuellement dans la solitude. Tandis que les jeunes filles, ses compagnes, étaient joyeuses et folles, tandis que près de sa casa, les mandolines invitaient au voluptueux fandango, elle était pensive et mélancolique, respirant à sa croisée ouverte l'air parfumé des prairies, et parlant aux oiseaux qui se balançaient sur les branches, la pauvre enfant. Elle ne se tenait cependant pas toujours ainsi triste et réfléchie. Il y avait des moments où ses joues pâles se rosaient légèrement, où son regard, ordinairement inquiet, s'animait de bonheur, où sa démarche était plus fière et sa contenance plus hardie. C'était lorsqu'elle devait aller dans les montagnes de la Sierra Nevada. Alors, aussi, elle prenait plus de soin de sa toilette, mettait son jupon le plus coquet, son corsage le mieux fait à sa taille, son brodequin le plus mignon, et arrangeait en nattes symétriques ses longs cheveux noirs qu'elle laissait d'habitude flotter sous sa cape. Elle se faisait plus belle, enfin. Pourquoi cela? C'était demandé souvent les jeunes garçons et les jeunes filles. Et quelquefois, on avait cherché à la suivre. Mais elle était si légère, si rapide, en gravissant les collines, en franchissant les précipices, qu'on l'avait bientôt perdue de vue entièrement. Plusieurs fois aussi, le pâtre, en revenant à la vallée, l'avait aperçue à genoux au pied d'une vieille croix noire plantée dans le roc sur l'un des sommets de la Sierra. C'était là tout. Le pâtre n'avait pas osé troubler la pieuse station de la jeune fille. Il s'était religieusement signé et avait continué son chemin. Or, comme les promenades de Margarita se multipliaient, on avait fini par croire que c'était chez elle un caprice d'Espagnol. On n'en cherchait pas la cause. Margarita était libre, au milieu de ses compatriotes, comme l'oiseau dans l'espace. Pas une bouche ne s'ouvrait pour demander compte de ses actions, pas un œil ne la suivait au-delà de la colline. Il y avait cependant 5 mois que les choses duraient ainsi.